Il est 23h et vous écoutez Jet FM, on est sur le 91.2 et nous sommes avec Anne-Line. Anne-Line qui vient de lancer le son depuis la régie, qui va venir sur ce plateau. Alors je vais laisser comme ça le suspense s'installer sur qu'est-ce que vous allez entendre pendant une heure. Peut-être vous dire que dans cette nuit sombre, triste, pluvieuse, on avait envie de sortir nos bleus de travail chaleureux et vibrants et mettre des lumières. On a sorti une petite boule à facettes et des pleins de lumières autour de nous parce que ce soir, Anne-Line, c'est... Bonsoir Aude, est-ce que tu m'entends ? Moi, oui. Je t'entends très bien. je m'entendais pas. Oui, alors bonsoir Aude, donc on est super contente, très enthousiaste, toute de bleu vêtue. Au milieu des lumières bleues que vous ne pouvez pas voir, mais que la magie force de, la radio. De l'imagination radiophonique va vous enrober. Autour de nous, une palanquée d'objets bleus, tels que... Alors, je ne sais pas comment s'appelle ce jouet étrange. Un petit jouet déglingué. Hein, qui... Voilà, on l'entend bien. Voilà. Balle rebondissante. Voiture, mais qui marche que si je le mets vraiment sur une table. On a aussi la compagnie de grands esprits comme Julien Clerc, mais aussi Georges Bataille. Hein, on ne fait pas de distinction. On a aussi Maggie Nelson avec Bleuet. On a Bambi. Des babouches. Walking from Scores. On a le Robert de la langue française. Des brosses. Des brosses bleues, bien sûr. Tout est de bleu. Parce que ce soir, c'est le bruit. La nuit. La nuit. Alors, d'où est né le bruit la nuit? Peut-être qu'on peut essayer de raconter cette envie. De rencontre, de radio, d'envie d'improviser. Mais d'improviser, je pense que l'une comme l'autre, on bricole. Et on aime bien faire du direct. Mais comme on a la frousse... On s'est dit, mais pourquoi on le ferait pas genre la nuit, la radio de nuit? En plus, la radio de nuit, je pense que c'est quelque chose, ça nous tient à cœur. On sait ce que ça peut être, la radio nocturne, pour tous celles et ceux qui sont insomniaques ou qui la nuit ont du mal à s'endormir ou qui ont besoin d'une petite voix en direct. C'est le direct qui nous c'est a le direct. Plu. Et aussi pour pouvoir se laisser aller à nos envies et nos improvisations. Puisque puis, ça va pendant une heure, on va improviser, Anne-Line. Oui, puis il y avait cette envie aussi d'improviser sans être face à un public, ce qui est toujours terrifiant et complètement déstabilisant et qui fait que l'improvisation devient une surpréparation. Alors là, c'est pour vous dire qu'on n'a rien préparé. Et donc là, c'est vraiment de l'improvisation et quand même avec un public invisible et nocturne, peut-être inexistant, peut-être nombreux. Non, toujours, j'y crois, il y a toujours des auditoristes qui nous écoutent. Voilà. Et une boule à facettes, on n'est pas seul en fait. On a une boule à facettes, on a tout un petit monde d'objets et de littérature autour de nous. Et je pense que ça met un peu de chaleur, chaleur dans nos cœurs, dans nos oreilles et dans les vôtres aussi, on va se dire ça. Et alors comme on aime bien quand même, on aime bien jouer, on s'est dit qu'à chaque fois qu'on improviserait, on se donnerait à la fois des règles du jeu, mais aussi on apporterait un jeu. Et là, peut-être, on vous bassine depuis le début avec notre histoire de bleu. En fait, on n'a pas dit d'où venait le bleu. Exactement, mais on peut raconter. C'est Anne-Line, tu m'as offert Bleuet. Qui est un super livre de Maggie Nelson, qui est une autrice américaine. Et qui a ce principe de décliner, qui en fait collectionne les objets bleus. Et est tombée amoureuse de cette couleur. Et fait tout un petit livre avec en notant de 1 à... Enfin, des petits paragraphes en fait. Hein, de 1 à 240 autour de ce bleu. Oui. Et quand on a recommencé à parler de cette envie d'improvisation commune, c'était peu de temps après ton anniversaire qui est ni le 6, ni le 7, ni le... entre le 6 et le 8 octobre. Voilà. J'ai un trio de jours, l'anniversaire d'autres dure 3 jours. Et du coup, on s'était dit, ah bah, il y a ce livre, Bleuet, que tu as apprécié autant que moi. Et on s'est dit par là, bah, ça pourrait être une couleur à chaque fois comme contrainte, Ouais. que c'est quelque chose de bah, qui est pas du tout sonore, mais du coup qui laisse beaucoup de liberté pour improviser et avoir à la fois un fil conducteur, bah, comme Rouge. disaient les garçons de l'émission précédente, c'est un fil rouge bleu. Et on s'est dit qu'en plus de cette couleur qui pourrait être comme un rendez-vous avec à chaque fois une couleur différente ou pas, hein, on est libre, on voudrait avoir une contrainte de jeu qui serait en fait un jeu en lui-même. Et Anne-Line, toi, t'as trouvé dans une vieille maison Oui. un livre, un jeu de cartes. Alors évidemment, qui a une boîte bleue. Bleu. C'est bien pour ça qu'on... Commencer à saisir le... Voilà le principe. Et ce jeu date, il date d'un peu, et c'est le jeu de bonne aventure de Alors, Mademoiselle le Normand. Alors, je trouve Lenormand. plus la boîte. Tu trouves plus la boîte parce qu'il y a tout un bordel là, tout un petit bazar. Oui. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est le jeu assez idiot parce que la description est vachement chouette. Je l'ai la boîte. Ah, super. Ben voilà, tu vois. Merci. Non, ça, c'est le capot. Alors, pas de panique. Ne paniquez pas. Ne paniquons pas, restons à l'écoute. On va se raconter ce jeu de bonne Donc, aventure puisque c'est... c'est un très beau jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand qui était une diseuse de bonne aventure qui apparemment avait une certaine renommée au 19e siècle, enfin fin 18e, début 19e. Ah, en fait, c'était devant moi. J'ai retrouvé le petit fascicule. Donc, c'est dans une petite boîte bleue un peu argentée que j'ai trouvée dans un appartement à Marseille, l'appartement de Jacqueline, où il y avait beaucoup d'objets magnifiques. Et donc, dans ce petit livret où il y a une gravure 19e avec une diseuse de bonne aventure, nous avons mode d'emploi des cartes de bonne aventure d'après la méthode dévoilée et reconnue si exacte de Mademoiselle Lenormand. Célèbre diseuse née à Alençon, Normande, en 1772 et morte à Paris en 1843, qui eut une vie tragique. Qu'elle fût comblée d'honneur ou languissante en prison, la Révolution, l'Empire, la Royauté, tous les régimes et tous les potentats du monde se sont inclinés pour demander à l'inimitable Sibylle les secrets de leur avenir. Alors nous, on avait vraiment envie de jouer les oracles et de venir tirer les cartes. Ce soir, pendant 1 heure sur Jet FM, on tire les cartes de la bonne aventure de cette fin d'année, de la bonne aventure Du bleu, de la couleur bleue, de la nuit. de la nuit. Et évidemment, on a fait aussi notre jeu avec ce jeu, puisqu'on a, vous allez le découvrir, mais à chaque numéro, on s'est donné une contrainte, un son, un objet, Une une action, action. une typologie de son. Oui, parce qu'en fait, il faut se représenter que le jeu est comme un jeu de cartes traditionnel, sauf qu'il y a des illustrations et aussi à chaque fois un signe ou un mot. Là, je prends au hasard étoile, cavalier, cœur, faux, lettre, etc., etc. Et on s'est à la fois inspiré par le substantif et à la fois par le signe pour avoir une méthodologie. Très exact et très très renommée. Puisque cette méthodologie, Complètement arbitraire. évidemment, on a le loisir de faire évidemment ce qu'on veut avec ce jeu, puisqu'on va le tirer et décider de quand on tire la carte, quand on peut en tirer une seconde et une troisième et une quatrième, etc., quand on le souhaite dans cette improvisation. Et ça va amener nos couleurs aussi de son et notre chemin pour cette heure de le bruit, la nuit. Peut-être qu'on va commencer. Ouais. Le bruit la nuit. Pour ça, il va falloir que je fasse une petite opération technique. Mais je te laisse ouvrir le bal, Aude. Ok. Si t'es prête. Je suis prête. Est-ce que les auditeurices sont prêts et prêtes pour ce tirage de bonne aventure? Pas trop Le loin. bruit, la nuit. dans le bleu. Langage bleu. Barbe bleue. Être bleu de peur. Beefsteak bleu. Passer au bleu. Cordon bleu. En dire de bleu. Bibliothèque bleue. N'y voir que du bleu. Être dans le bleu. Être bleu de peur. Y a un jeu que j'aime bien faire là-bas. Enfin, c'est soit de faire du cerf-volant, soit faire du. Quand les vagues ils arrivent, je me rapproche. Et quand ils arrivent, j'essaie de me reculer le plus vite possible avant qu'ils me touchent. Oui, j'ai vu la mer quand même, hein. J'ai vu la mer. J'ai vu la mer. J'ai vu la mer quand même quand j'en sais rien. Thank you. Et si je commençais en disant que je suis tombée amoureuse d'une couleur? Et si je le racontais comme une confession? Et si je déchiquetais ma serviette en papier pendant que nous discutons? C'est venu petit à petit, par estime, affinité, jusqu'au jour où c'est devenu plus sérieux. Jusqu'au jour où, les yeux rivés sur une tasse vide, le fond taché par un excrément brun et délicat enroulé sur lui-même pareil à un hippocampe, je ne sais comment, ça a pris un tour personnel. Je suis donc tombée amoureuse d'une couleur, la couleur bleue en l'occurrence, comme on tombe dans les raies d'un sortilège, et je me suis battue pour rester sous son influence et m'en libérer alternativement. De revoir des personnes que j'ai pas connues, d'avoir une espèce de fête où toutes les personnes de notre famille revivent juste pour une journée, comme ça je peux leur parler, en profiter un peu, parce que ma mémé, je l'ai pas connue et j'aimerais beaucoup la connaître parce que quand elle était encore là, elle aimait beaucoup les petites filles blondes, bouclées, aux yeux bleus. Et pour moi, c'était un signe un peu. Donc voilà. c'est la nuit. les Japonais dormaient sous des moustiquaires bleus pour se donner l'illusion du calme et de la sérénité. Ô bleu debout, ô bleu élève-toi, ô bleu monte, ô bleu entre donc. Je suis assis avec quelques amis dans ce bar, buvant un café servi par de jeunes réfugiés de Bosnie. La guerre fait rage dans les journaux et dans les rues en ruine de Sarajevo. Tania me dit « Tu as mis tes habits à l'envers et devant derrière. » Comme nous ne sommes que tous les deux, je me suis déshabillée et les ai remis immédiatement à l'endroit. Je fais toujours les choses à temps. Pourquoi tant de nouvelles de l'étranger alors que tout ce qui concerne la vie ou la mort agit et se réalise en moi? Je descends du trottoir et manque de me faire renverser par un cycliste. Il a surgi en trompe de l'obscurité et m'a raté d'un poil. J'ai une trouille bleue quand je marche. Le médecin du Saint-Bartholoméo pensait pouvoir détecter des lésions dans ma rétine. Mes pupilles étaient dilatées par la belladone. L'insupportable lumière de la lampe m'aveuglait. Regardez à gauche, regardez en bas, regardez en haut, regardez à droite. Des éclairs bleus dans mes yeux. Mouche bleue bourdonne jour de paresse, le papillon bleu ciel se balance sur un bleuet perdu dans la tiédeur d'une brume de chaleur bleue, chantant un blues paisible et doux. Bleu de mon cœur, bleu de mes rêves, amour bleu élan des jours, lorsque fleurit le delphinium. Le bleu est l'amour universel dans lequel l'homme se baigne, c'est le paradis terrestre. Je marche le long de la mer avec le vent qui hurle. Une année de plus passée près des eaux rugissantes, j'entends les voix de mes amis disparus, l'amour et la vie qui durent toujours. La mémoire de mon cœur se tourne vers vous, David, Howard, Graham, Terry, Paul. Et si ce présent-ci était la dernière nuit du monde ? Au soleil couchant, ton amour qui se fane. Il meurt à la lueur de la lune, ne parvient pas à se relever, trois fois refusé par le chant du coq à la première percée de l'aube. Regardez à gauche, regardez en bas, regardez en haut, regardez à droite. Le flash de l'appareil d'un brillant anatomie atomique. Photo, le CMV, une lune verte et le monde vire au magenta. Ma rétine est une planète lointaine, une Mars rouge tirée d'une BD de Boys Home, avec une infection jaune bourgeonnante dans les coins. J'ai dit que ça ressemblait à une planète. Le docteur a dit « Oh, je crois plutôt que ça ressemble à une pizza ». Ça fait 6 ans que je joue et rejoue cette scène dans tous les sens à chacune des heures de ma vie. Ça fait 6 ans que je joue et rejoue cette scène dans tous les sens à chacune des heures de ma vie. Et si ce présent-ci était la dernière nuit du monde ? Le bleu transcende la géographie solennelle des limites humaines. Je suis à la maison, les stores fermés, HB est revenu de Newcastle, mais il vient de ressortir. La machine à laver vrombrit et le frigo dégivre, ce sont les bruits que je préfère. J'ai le choix entre être un impatient ou patient interne, ou venir deux fois par jour à l'hôpital me suspendre à une perfusion, je ne retrouverai plus jamais la vue. Si je perds la moitié de ma vision, verrai-je les choses à moitié ? Le virus se déchaîne. Aujourd'hui, tous mes amis sont morts ou mourants, comme si un givre bleu les avait saisis, au travail, au cinéma, en promenade, sur les plages, dans les églises, à genoux, courant, soudain silencieux ou hurlant leur colère. Ça a commencé par des sueurs la nuit et des ganglions enflés, puis les chancres noirs sont apparus sur leur visage. Les réflexes se brouillaient, la sueur coulait à travers leurs cheveux mêlés comme les lianes d'une forêt tropicale. Des voix tentaient de s'élever indistinctes puis se perdaient pour toujours. Mon stylo courait après cette histoire sur la page brinque-ballée de tous côtés par la tempête. Le sang de la sensibilité est bleu. Je me consacre corps et âme à trouver sa plus parfaite expression. J'emplis cette chambre de l'écho de nombreuses voix qui ont passé du temps ici, des voix libérées du bleu de la peinture sèche depuis longtemps. Vient le soleil qui inonde la chambre vide. Le bleu s'étire, il bâille, il est réveillé. 中国人民解放军空军政治部歌舞团蒋庆峰，扬琴伴奏李洪武。 Sindre Seppolared var på stedet for å ta bilder. changement d'état de l'eau. Grand 1, la fusion de la glace et la solidification de l'eau. Petit 1, nous avons tous vu de l'eau à l'état solide. Glace, neige, grêle, se transformer en eau à l'état liquide. Cette transformation s'appelle fusion. Nous avons tous vu la transformation d'eau en glace ou solidification. Petit 2. Observons la fusion de la glace. Plongeons un thermomètre dans un récipient contenant de la glace pilée. Observons ce qui se passe, figure 1. Le niveau du liquide thermométrique baisse rapidement et s'arrête devant la graduation 0 degré. Note de bas de page, on lit 0 degré centésimal. Le niveau du liquide thermométrique demeure fixe devant la graduation 0 degré tant que le récipient contient de la glace. Lorsque toute la glace est fondue, la température de l'eau de fusion s'élève peu à peu. Figure 2. Petit 3. Observons la solidification ou congélation de l'eau. Un jour de grand froid, remplissons un récipient de glace pilée et d'eau. Plongeons dans ce mélange un tube résistant. Thank you. le toutou. D'oranger aussi, vous verrez, il y a des photos, je suis en train de cueillir des oranges. Et puis les villes sont assez jolies aussi, je ne me rappelle plus où on avait été. Il y avait une petite fontaine au milieu du village, où tout le monde s'y lavait les mains. C'était... On a voyagé la nuit, la mer était très calme, j'ai dormi, je n'ai pas été malade. Et au moment de partir, il y a un militaire qui avait fait son service militaire sans doute là-bas et qui rentrait en France. Et il a eu une dizaine de copains qui étaient sur le quai, qui lui faisaient des grands signes et qui lui chantaient « Ce n'est qu'à nous revoir ». Je vous assure, c'était poignant. Ce bateau, à la tombée de la nuit, ce bateau qui tout doucement, parce qu'au début ça va très pas vite, quoi. Ce bateau qui partait tout doux, et les autres qui chantaient toujours « Ce n'est qu'à nous revoir ». Je vous assure que c'était extraordinaire, ça. Tout doux. Tout doux. Monsieur, rendez-vous lundi prochain au marché du pays du Saillant. Et on reviendra le 26 juillet. Allez, voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Quelle sera la dernière carte Pour le bruit, la nuit, par Mademoiselle Lenormand, nous avons tiré la carte numéro 19 de Pique, Haute Tour. Haute Tour, preuve sûre, qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Carte 19, Haute Tour. La vaisselle étant lavée, la lune s'est levée sur la chanson des fonds de cour. Quand le vin est ciré, le plancher est glissant, corde à linge et grande combine, mauvaises herbes de nos lits doubles, les cargaisons coulent et tu surnages, ô mon pays, entre deux épaves et quatre pitounes, dans le mazout teinté d'oubli, lèvres gercées par l'hiver, craquelure du grand âge aux mains des vieux, qui de nous te verra pleine morbide, enfin lavé comme une grève un soir de vent, dans les grincements des huards au large de Champlain. Les bouées tournent et puis s'éteignent. Ainsi, la gueule baveuse des chiens que nous sommes, éperdus de mots cherchant à dire, non pas des secrets ni des mystères, mais bien pourquoi, puant pays de mes amours, on t'aime encore et pour toujours. Mauvais cadeau plus qu'inutile, grinonaude au fond de l'histoire oubliée, j'entends les cris des poubelles au lundi soir, fumier des temps humides, vache à peine veilée, collet de tous nos drafes, notre passé de communiant, mon doigt coupé tombe encore dans le néant de mes 11 ans, tandis qu'à 20 d'un pays je fus nanti, à la fois son fils et son père, à la fois la terre et la charrue, à la fois son trottoir et le passant, et d'autant plus triste et débordé. Le pays que je travaille est un calice, un enfant de chienne de nous maudire ici sans une bougrine, sans un ancêtre, sinon nous-mêmes, hosties d'humus. Ma jeunesse a crissé le camp comme un voleur, emportant tout sinon des dettes et des cassures à réparer, sémantique du blasphème et de l'injure. Rien d'autre n'avons-nous sinon, perclus au fond des tripes, entêté jappant sans cesse, le cri bêlant d'un pays à naître. C'est ça que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Hein? C'était Le Bruit, la nuit, Anne-Line Drocourt, Aude Rabillon, sur Jet FM. Merci pour Le Bruit, la nuit. Avec Aude Rabillon. Plein d'objets. Avec Bleuet de Maggie Nelson. Avec les leçons de choses A. Gaudier, S. Moreau, M. Moreau, Fernand Nathan, Cours Moyen, 8e et 7e. Chroma de Derek Jarman. Avec Julien Clerc. Avec Le Robert, dictionnaire historique de la langue française. Avec les voix d'Olivier, Kéra, Emma, Jacqueline, Maggie. C'est fini. le bruit, la nuit. La nuit.